Vous êtes là, gentiment, à une soirée parmi les droits, qui, pris de violentes secousses, renverse des morts qui flottent autour de vous. Les gens s'écartent, vous enchaînent, généralement dans des périodes qui s'accumulent, mises à l'épreuve de l'étanchéité. Vous tanguez la musique, la lumière, tous ces verres dans le nez. Combien ? Encore une nuit passée, entre images, mots, vous tanguez la musique, la lumière, tous ces vivants. Encore une nuit passée, entre images et mots, branleur, et quand il a son compte, il se répand, vivant. Vous tanguez la musique, la lumière, tous ces sons divers, et que des morts et fantasmes. La seule pensée qui vaut quelque chose, c'est la raison. Oui, perdez la raison. Et vous errez toute la fin de soirée en un lieu séparé de ceux qui m'aiment. La voix des morts, un problème qui n'est qu'interne, lié à votre vie ici, c'est que vous laissez songeurs tous ceux qui étudient quelque chose. Encore une nuit passée entre images et mots comme une merde. La voix des morts, comme de bien entendu, complique votre vie. Et puis il y a cette parcelle de ceux que j'ai toujours aimés. Je bois vivant, essayant de ne pas penser aux esprits corps. Vous tanguez la musique, les lumières, tous ces branleurs. Vous êtes là, gentiment, à une soirée, parmi les spasmes. Des périodes qui vous traversent, puis vous obsèdent. Et puis il y a cette parcelle que vous voudriez quitter. La température des morts qui flotte autour de vous. Et puis il y a cette parcelle de malheur de mon père. Mais la réappropriation du malheur de mon père. La température vous traverse puis vous obsède. Et je suis là à supporter, vous pleurez encore. Vous vivant, la vie m'écœure profondément. Il y a des ratés, bien, la limite n'est pas loin. Creusant le fossé que vous voudriez quitter. Refusez la vie pour la réintégrer à nouveau. Le liquide vous traverse puis vous obsède. Intérieurement, c'est déjà le réintégrer. C'est une histoire d'expert des morts. Je suis réintégré à nouveau en vous. Vous sentez la fenêtre de la cuisine. Donc, vous, toujours une brèche. Et, peu à peu, vous êtes fatigué. Il n'y a pas de volet à réintégrer. Refusez la vie pour l'isolement. Vous regardez la conversation. Si bien que je bois des morts. Donc vous perdez la raison. Le liquide baisse d'un cran. Les parties vous traversent. Réparation, conversation. Vous regardez la raison. Regardez là-bas. Vous faites la raison. Réparation. Conversation. Vous regardez la raison. Vous regardez là-bas. Vous faites la raison. Les parties vous traversent. Les parties vous traversent. Les parties vous traversent.